bonsoir à toutes et à tous pour ce premier podcast sur Culturama dédié au talent de l'internet, en tout cas, enfin, au talent, Vera. Vera avec lui. Saucisse du 37, Monsieur du Cube, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, son concept ravit ses followers et ses fans sur internet. Son concept, c'est un cube, mais pas celui de Canal+, mais un cube qui s'appelle Machin et qui doit subir les blagues potaches de son auteur ainsi que la présence d'autres personnages, on va dire, à l'intelligence variable. Et pour répondre aux questions que nous avons à lui poser, on reçoit ni plus ni moins l'auteur et le dessinateur de la BD, c'est-à-dire Justin, bienvenue à toi. Salut Orbaz. Orbaz ou Pierre, c'est comme tu veux, enfin voilà. Tu peux aussi t'appeler mon gros lapin bleu, hein, ça peut marcher. Ouais, voilà, on va pas le cacher tout de suite, on se connaît depuis un certain moment, Justin, c'est pour ça que je fais cette interview avec lui. Enfin, la première interview pour le blog, donc. Et la dernière. On se connaît bien et qu'il a un concept plutôt bien, ouais, chérie. Voilà, on va s'appeler, on va se donner des petits noms comme ça, ça fera plus convivial. Voilà, l'interview va vite passer en moins de 18. Enfin, voilà. Bon, ben, on va peut-être attaquer tout de suite l'interview, hein, parce qu'on est là un petit peu pour ça. Bon, ben, d'abord, je vais m'attaquer plutôt à toi. Plutôt qu'à ta BD, on passera sur la BD un peu plus tard. Est-ce que tu peux te présenter à tes followers ou aux gens qui ne te connaissent pas sur le plan humain? Qui est cet homme qui se cache derrière cette barbe de prépubère? Alors ben déjà, je t'emmerde. Donc je me présente, je m'appelle Justin, plus connu sous le nom de Saucisse du 37 sur certains sites internet. J'ai 20 ans et je suis donc l'auteur de la BD du Cube. Je pense que je présenterai la BD du Cube tout à l'heure. Tout à fait. Donc, s'il faut que je me présente, comme vous pouvez l'entendre, je suis un homme. Un vrai. Donc voilà, j'ai 20 ans, j'habite dans le centre de la France, je ne suis plus étudiant depuis quelques semaines déjà, et j'ai plusieurs passions dans la vie, qui sont tout d'abord les jeux vidéo, évidemment, et ainsi que la musique. Eh ben, on va tout de suite parler de ta BD, hein, parce que bon, on est là pour ça. Enchaîne, vas-y, présente ta BD en même temps, comme ça. Et donc, la BD du Cube, c'est une BD qui a été créée en décembre 2012, le 13 décembre 2012, je crois bien. Carrément un anniversaire, quoi. Oui, de toute façon, en fin d'année, va y avoir les 1 an de la BD. Déjà que le mois dernier, pour les 6 mois, donc la demi-année de la BD, j'ai dépassé les 50 000 vues. Donc la BD du Cube, comme tu le présentais, c'est une BD d'un style assez spécial dont les personnages principaux sont un cube, enfin techniquement c'est un carré mais c'est un cube, un cercle et une cubette, donc le personnage féminin. C'est donc de l'humour assez varié, qui va de l'humour noir à l'humour de cul, aux blagues de merde, enfin voilà, ça va sur plusieurs bords. Comme vous le remarquerez, c'est pas très PG rated, c'est pas pour les enfants, on va dire, hein. Si vous voulez éviter les gros mots, c'est pas vraiment voilà, le bon endroit. Disons que la BD, elle est déconseillée pas à une certaine, enfin si, à une limite d'âge quand même, faut pas déconner, mais aussi limitée à la profondeur, comme je dis toujours, elle est limitée à la profondeur du balai dans le cul, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment un coincé qui s'offusque de tout, peut-être pas aller sur ma BD parce que vous allez me prendre pour un connard, pour un homophobe, pour un raciste, pour un antisémite. Bah, voilà. D'ailleurs, attends, je vais te poser la question. Pourquoi t'as créé cette BD? Beaucoup de gens me posent la question. Je réponds simplement parce que je me faisais chier. C'est tout con, mais je me faisais chier un dimanche soir. Je me suis dit, tiens, je ferais bien une BD. Juste comme ça, voilà, pour m'occuper un petit peu. Et donc j'ai pris un papier, mon plus beau stylo, et là je me suis rappelé que je sais pas dessiner. Et du coup je me suis dit, bon, je vais essayer quand même de trouver quelque chose. Et je me suis rappelé d'un mec qui s'appelle Navo, je crois, qui a créé une BD qui s'appelle La Bande Pas Dessinée, qui a pour soi le principe en fait d'avoir que des bulles. Tout est très suggestif, et en fait il y a que des bulles. Et je me suis dit, ce serait pas mal si je faisais une BD en fait, avec un style graphique très très à part. C'est pour ça que je me suis dit, bon bah je vais faire un cube, je vais faire dire des horreurs. Puis voilà, ça a bien marché. Ça fait 7 mois que la BD est créée, Et je suis toujours sur un même logiciel, c'est-à-dire Paint pour faire la BD, et le plus récemment Paint.net pour le texte. Tu parles donc de la bande pas dessinée. T'as d'autres influences comme ça? Pour l'humour, non. Ouais, pour l'humour, des fois sur les jeux de mots, je m'inspire un peu de la BD du chat. D'ailleurs, on m'a souvent comparé à cette BD. Au niveau de l'humour de Marc, certains jeux de mots, je m'inspire de certaines conneries que peut sortir Laurent Baffy, qui est une personne, enfin, humoriste, soit que j'aime beaucoup. Enfin, sinon, ouais, non, niveau influence, c'est plus des conneries que j'entends comme ça, des fois que je vois, je me suis dit, tiens, c'est rigolo de l'adapter dans la BD. Mais généralement, dans la plupart, c'est des trucs que je trouve moi-même des deux jeux de mots complètement pourraves, qui, je sais, font rire le public, parce que mon public, de toute façon, voilà. Mon public, de toute façon, c'est une bande d'enculés. Rappelle-moi, ça tourne toujours, là? Ouais, ça tourne. Ce sera même non, souligné. Mais je disais, j'adore mon public, c'est vraiment, enfin, ouais. D'où te vient ce fétichisme pour la géométrie de base? Donc, les carrés, les cercles, les triangles. D'ailleurs, ouais. Hein, tu le signalais tout à l'heure, mais en tant que puriste, c'est vrai que le cube, c'est un carré. Oui. Hein. Je te dirais 42. Voilà, ouais. La réponse à tout. Ouais. Et en vrai, t'as une réponse? Non. En fait, faut savoir que je suis assez con sur les bords et je me suis dit, tiens, je vais faire une BD, je vais appeler ça, j'ai fait le truc, je me suis dit, oh, allez, j'appelle ça la BD du cube. Alors que oui, en gros, en fait, ouais, j'avais confondu, le cube. Un carré. Voilà l'histoire. Bon, tu parlais des critiques sur ton humour tout à l'heure, qui est peut-être bon, qui est assez populaire, quoi. C'est un peu des blagues éculées qu'on a déjà vues. Certaines, on a déjà vues. D'autres, c'est un peu plus original. Hein. Faut quand même un peu te donner ce compliment, quoi. Que des fois, les blagues sont quand même bien cherchées. Mais t'as d'autres critiques, notamment sur ton français. T'as jamais cherché à corriger ça, à avoir quelqu'un qui peut corriger ces fautes d'orthographe qui sont un petit peu, bon, ton talon d'Achille, quoi, sur la BD. Oui, c'est vrai que je fais beaucoup de fautes de français. Ça, je le reconnais. Généralement, maintenant qu'on me dit que je fais une faute sur une BD, tout de suite, je la corrige. Je mets à jour la BD. Mais comme je dis toujours, ouais, c'est vrai que donc le français, ça a jamais été mon fort. Jamais, non, honnêtement, j'ai jamais été très fort dans l'apprentissage du français. Et bien que je pense que ce problème de culturage, voilà, me pose certains soucis. C'est vrai que maintenant c'est très problématique pour ma BD. Voilà quoi. On mettra des sous-titres, des trucs comme et ça. Oui, c'est très bien sur un truc audio, c'est très bien. Voilà, des sous-titres sur un truc audio. Ouais, mais ce sera aussi disponible sur YouTube. Hein. Voilà. Comme ça, il y aura des sous-titres. Hein. Si vous voulez avoir des sous-titres, vous regardez le podcast, enfin la version YouTube du podcast, vous verrez. Il y aura les sourds qui me suivent. On va peut-être parler un petit peu de ton actu, vu que tu viens de reprendre un aspect un peu plus quotidien de ta BD, hein. T'es repassé un aspect quotidien après une semi-pause, parce que bon, tu disais qu'il y aurait une pause à ta BD, mais finalement t'as mis un épisode tous les deux jours. Non, tous les jours. Ouais, même pratiquement tous les jours, donc. Donc la BD reste quotidien. Donc, ouais. Donc après la saison 1, là, t'as repris la saison 2. T'as pas peur de pas pouvoir suivre le rythme au bout d'un moment, d'avoir des pannes au niveau de l'inspiration, quoi, pour les blagues? Alors, d'abord, je reviens. T'as dit que je prenais une pause, ouais, effectivement, en juillet. J'avais annoncé, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. J'avais annoncé au mois de juin que le livre de la BD du Cube allait sortir. Et donc, j'avais prévu en juillet, de faire une pause le temps que j'écrive tous les gags pour le bouquin. C'est ce qui était prévu. Le truc, c'est que je me suis dit un soir, bon allez, je m'y mets, j'ai commencé, et je devais écrire en tout 80 gags, parce qu'il y avait 40 gags en fait qui venaient de l'année, enfin de ce que j'avais déjà fait. Et en fait, en une soirée, je me suis rendu compte que sur les 80 gags, j'en avais déjà écrit 20 en une heure. Je me suis dit, bon, peut-être quand même, je vais assez vite. Donc je verrai des fois pour mettre un ou deux épisodes en juillet, histoire de qui continue quand même à avoir du contenu. J'ai commencé à faire un truc spécial été 1, avec je crois que c'était sur Doctor Who. J'ai vu que ça avait bien plu. Puis j'ai même vu que j'ai été retweeté par The Fantasio 974, un youtubeur assez célèbre. Je me suis dit, bon, allez, je vais en refaire un autre demain. Puis après, je ferai une petite pause, etc. Au final, au bout de 5-6 épisodes, je me suis dit, ouais, bon, vas-y, je continue sur tout le mois de juillet. Et il faut savoir que, voilà, les BD que j'ai fait sur le mois de juillet, ça suit pas vraiment la chronologie de la BD du cube, parce que on aperçoit à la fin de la saison 1, si tu veux, une sorte de fil conducteur, une sorte de pseudo-histoire. On voit d'ailleurs très bien avec la fin de le dernier épisode de la saison 1, si tu veux. Et là, dans la saison 2, il va y avoir, une grande série d'épisodes qui vont avoir aucun lien entre eux. Mais, il va quand même y avoir, sur pas mal d'épisodes, une suite logique, entre guillemets. Notamment, maintenant, la cuvette et le cercle, ils sont ensemble. Ouais, d'ailleurs, tenter d'introduire une sorte d'histoire à tes personnages, du rythme de une blague par bande, enfin par comment dire, par poste, quoi, enfin, un petit peu comme ça. Ouais, je vois, mais en fait, si tu veux, je vais mettre des petits scénarios comme j'avais fait, c'est-à-dire des suites d'épisodes comme j'avais fait avec l'enlèvement par exemple ou la prise d'otage. Il va y avoir entre guillemets fil conducteur un peu comme si tu veux à la Kaamelott, voilà. Ouais, c'est des mini gags avec série d'épisodes qui seront un peu plus dédiés à l'histoire entre les personnages. Sans vouloir vraiment trop me comparer à Kaamelott, faut pas déconner quand même, dire que ma BD, c'est un peu comme les saisons 2 et 3 de Kaamelott, c'est-à-dire que t'as un fil conducteur qui se retrouve pas dans tous les épisodes, mais t'as certains épisodes qui font avancer l'histoire. On va dire que la BD, la saison 2, va être un peu comme ça. Et aussi, juste pour revenir, j'avais parlé d'un livre, la BD de Cube, malheureusement, il a été annulé. De certaines... C'était justement ma question, c'était de savoir où est-ce que ça en était, vu que tu en parlais. T'anticipes toutes mes questions quand même, là. Si tu veux, en fait, j'avais écrit 80 gags, et j'étais un peu dégoûté par rapport au fait que la BD ne se fasse pas, à cause de certains problèmes avec l'éditeur. Et du coup, en fait, les 80 épisodes que j'ai fait, au lieu de les mettre dans un bouquin, ils vont servir dans la saison 2. Donc, t'as de l'avance. Voilà, j'ai 80 épisodes d'avance. Donc il y aura pas de problème au niveau de l'inspiration, t'as même le temps d'en préparer d'autres en plus. Et pour revenir justement à ta question de l'inspiration, je serai jamais à court parce que j'ai toujours des idées, j'ai toujours des conneries qui me viennent. Il y a une seule fois vraiment j'ai fait une pause, c'est janvier-février, c'est parce que j'ai eu des problèmes dans ma vie personnelle, où là, clairement j'avais plus d'inspiration, mais parce que j'avais des problèmes à côté, donc j'arrivais plus à me concentrer. En plus, c'était les premiers mois de la BD, donc la BD n'était pas encore entre guillemets mise en place au niveau de l'humour. C'est-à-dire que sur les premiers épisodes, c'était des trucs par rapport à l'actualité ou des choses comme ça. C'était moins centré sur certains thèmes, comme je peux faire maintenant, comme je peux faire sur le sexe, comme je peux faire sur l'humour noir, comme je peux faire sur la religion, enfin sur plein de choses. C'est pour ça que j'arrête toujours des conneries à dire, que ce soit sur ce que j'ai dit, ou même des jeux de mots pourris comme dans la BD de ce soir. Oui, voilà. Et sinon, en dehors de ça, t'as d'autres projets pour la BD pour l'étendre un petit peu, pour étendre ton public peut-être? J'avais pensé sur une adaptation porno qui s'appelait la BD du cul. Ouais. Évidemment, moi je pose des questions et lui il dit des conneries. mais j'ai créé une petite application Android. De la BD du cube qui je travaille encore dessus. Le problème c'est que là avec mon boulot cet été j'ai pas beaucoup de temps, mais je travaille dessus justement pour l'améliorer et qui sera disponible en version définitive sur le Google, sur l'Android Market ou Google Play je crois maintenant ça s'appelle. Elle est disponible maintenant sur un site en version en version alpha, bêta, tout ce que tu veux, enfin en version pas finie quoi, mais voilà, déjà j'ai l'application qui est prévue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est prévu? Pour le moment, pas grand-chose, en fait. On vient de dire, il n'y a pas grand-chose qui est prévu. C'est-à-dire continuer la BD, voilà. Travail quotidien, quoi. Voilà, tant que je peux faire rire les gens avec des conneries, je pense que je vais continuer. Je veux dire, en plus, j'ai de plus en plus de personnes qui me follow, qui me suivent. Rien que sur Twitter, là, je regarde, je suis à 485. Je suis bientôt à 500 abonnés sur Twitter avec ma BD. Et sur ma page Facebook, je suis à 110, je crois, ouais, 110 personnes. Qui me suit, en gros, ouais, j'ai à peu près, on va dire, les 600 personnes. Des fois, c'est peut-être le même aussi, hein. Faut faire attention entre Facebook et Twitter. Oui, non, je sais bien, bon, on va dire 550 personnes à peu près, qui suivent la BD quotidiennement, sachant que voilà, ça fait que 6 mois qu'elle existe. Et, voilà, ça fait 6 mois qu'elle existe, c'est énorme, comme ma bite, c'est énorme. Oh, mais... exagère quand même. Et sinon, rappelle-toi, t'as combien de followers toi au fait, hein? Ouais, bon, enfin voilà. On va parler d'autre chose. Est-ce que tu penses, est-ce qu'on peut te retrouver dans des festivals, peut-être, ou est-ce que tu vas à la rencontre peut-être de tes lecteurs? Alors, peut-être qu'ils peuvent venir te voir, je sais pas. C'est rigolo que tu dises ça parce que j'avais prévu d'aller au Geek Fairies cette année. Oui. Donc les Geek Fairies sont à côté de Montargis. Malheureusement, à cause d'un problème d'emploi de temps, je pourrais pas y aller. Mais j'essaierai dans le courant de fin d'année ou de l'année prochaine, je sais pas, de venir. Mais faut savoir que voilà, ok, je commence à avoir un petit peu de popularité entre guillemets sur Internet, et pas au point non plus, ça, voilà. C'est modeste quoi. Voilà, c'est relatif. Si je vais dans une convention, ce serait plus en tant que fan pour voir Elarcis, Bob Lennon, joueur du grenier, Noob, plutôt que pour d'aller signer des autographes. Donc j'ai pas la prétention de d'y aller me dire bon allez venez je vous fais des Daddy Boobs puis voilà. Ouais, les Daddy Boobs c'est devenu un petit peu la mode pour oui c'est la mode les youtubeurs mais bon. Et franchement t'as vraiment pas cette ambition de devenir vraiment enfin d'avoir la même stature que enfin le même statut pardon excuse-moi que certains youtubeurs au niveau de la popularité peut-être d'avoir un peu plus de monde, quoi. Un peu plus de monde, j'aimerais bien que par exemple, je sais pas, pour Noël, vu là où mon nombre de followers va, j'aimerais bien par exemple pour Noël dépasser les 1000 followers. Je sais que je pourrais pas non plus atteindre des trucs genre 23 000, des conneries comme ça. Disons que franchement, j'ai pas la prétention de pouvoir devenir une célébrité internet, entre guillemets, bien que je reste assez proche des gens d'ailleurs sur Twitter, je dis pas mal de conneries. Et j'ai pas la prétention, disons, de devenir célèbre avec la BD. C'est non. C'est il y en a déjà qui le font très bien. Tu regardes justement comment ça s'appelle une BD d'ailleurs que j'aime beaucoup. C'est Drinkalol. Ah oui. Qui pareil. Oui, là aussi c'est format très court aussi ouais, et également. Très court. Et pareil, je sais plus à combien il est, mais lui pareil, ça marche super bien sa BD. Et parce que je sais pas, t'as des BD ultra connus maintenant, t'as comment ça s'appelle, je regarde pas beaucoup, c'est je me souviens plus comment ça s'appelle, Boulet Corpse je crois. Ah, je connais pas. C'est, je pense que les gens qui vont nous écouter doivent connaître Boulet Corpse, je crois que c'est une BD voilà qui fait des trucs peut-être quotidiennement, je sais pas du tout, mais voilà. Tiens, justement, la bande pas dessinée, ça c'est un bon exemple. C'est un mec pareil maintenant qui fait des bouquins par rapport à ça, je crois, tu vois. C'est bon, en même temps, faut dire qu'ils étaient précurseurs dans leur domaine. Moi, je suis pas précurseur, je peux pas me revendiquer comme avoir inventé quelque chose. Bon, j'ai inventé le système de la, entre guillemets, j'ai inventé le système de la BD, vraiment très, très minimaliste. Non, je peux même pas dire que j'ai inventé ça. Vu que la bande dessinée l'a fait, enfin, la bande pas dessinée l'a. Voilà. Ne dessine carrément pas, quoi, c'est que du texte. Là, on va dire que je me différencie. Voilà, on va dire que je me différencie. Avec des dessins minimalistes. Voilà, et puis un humour assez particulier, quoi, assez à moi. Et mes fautes d'orthographe. Tiens, en parlant de tes, enfin, on parlait de tes followers, t'aurais un petit mot pour eux? Vu que bon, hein, pour te pardonner de tout à l'heure. Hashtag best of BD du cube. Ils comprendront. Non, ça, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que je balance souvent des best of BD du cube à tout bout de champ. Et c'est vrai que certains m'ont fait un petit peu de reproche. Non, vraiment un petit mot pour mes followers, Merci de me suivre, c'est vraiment très gentil de votre part. J'espère faire de mon mieux pour vous faire rire et puis voilà. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, vous pouvez retrouver la BD du cube à l'adresse labdducube.fr. Hein. Voilà, depuis pas très compliqué. Déjà. Tu as ton propre nom de domaine maintenant. Ouais, j'ai acheté mon nom de domaine. Voilà. Donc, cette interview, je pense, est terminée. Ouais. Je vais te remercier d'être venu en tout cas, et je vais remercier plusieurs autres personnes, notamment Maxime qui aura beaucoup aidé pour la conception graphique du site Culturama, et Darren pour la conception un peu plus sur l'organisation et sur la construction du site en lui-même. Donc je remercie toutes ces personnes-là, et On va remercier aussi Deputies qui ont offert un petit peu le générique de cette interview que vous pourrez découvrir à la fin. Je laisserai le morceau entier. Vous pouvez retrouver Culturama sur Facebook en tapant Culturama, vous pourriez trouver. De toute façon, on mettra les liens en dessous de ce podcast. Et aussi sur Twitter, at Culturama News. Et vous pouvez retrouver également Justin, enfin, la BD du Cube sur Twitter, at la BD du Cube. Je me trompe pas. Voilà, at la BD du Cube et sur ma page Facebook, donc la BD du La Cube. BD du Cube également. Donc, voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. De toute façon, les liens seront mis en dessous en description, que ce soit sur YouTube ou pour le podcast. Vous retrouverez, excusez-moi, tous les liens à votre disposition. Bon, c'était un plaisir de partager ce petit moment avec toi, Justin. Mais pareil, et puis non, je suis très content que voilà d'être interviewé comme ça. Je sais que tu vas avoir pas mal de vues grâce à moi, et puis Ouais. le mec qui inverse le principe de l'interview, quoi. Ça va, la modestie, c'est son fort. Hein, ça... Oui, oui, oui, oui, oui. Bon, bah, on vous remercie de nous avoir écoutés en tout cas, et puis bah, on espère que vous serez là pour la prochaine interview. On ne sait pas encore qui ce sera, mais on espère. Hein, on vous dira tout ça en temps et en heure. Puis bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine! Salut tout le monde! Because